Comme un vent léger qui passe et caresse de près ma face. J'entends ta douce voix, aussi beau que fasse le jour, dont l'éclat efface toujours la rosée de la nuit. Sure.